suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. À la fin de notre deuxième leçon, nous avons vu quelques prépositions employées en rapport avec des indications géographiques. Reprenons-les. D'où êtes-vous ? Wo seid ihr ? Je viens d'Angleterre, de Londres. Ich komme aus England, von London. Où habitez-vous ? Wo wohnt ihr ? J'habite en France, à Paris. Ich wohne à Frankreich, zu Paris. Ajoutons un détail supplémentaire. Je vais en Angleterre, à Londres. Ich gehe an England, ob London. Nous allons voir en cours de route que la différence entre l'endroit et la direction joue un rôle assez important dans la langue luxembourgeoise. Comme le Luxembourg est un pays assez cosmopolite, il semble utile de voir encore quelques noms de pays. Nous avons déjà été en Angleterre, an England, en France, à Frankreich, en Allemagne, an Deutschland, et en Russie, à Russland. Ajoutons ici Irland, Schottland, Amerika, Portugal, Spanien, Österreich, Holland, Belge, Norwegen, Dänemark, Schweden, Schweiz, Italien, Griechenland et bien sûr Luxembourg. Il y a sûrement l'un ou l'autre pays que vous avez reconnu spontanément. Reprenons-les. Irland, Schottland, Écosse, Amérique, Portugal, Spanien, Espagne, Österreich. Ah, en voilà un qui est plus difficile. Österreich, Autriche, Holland, Belge, Belgique, Norwegian, Dänemark, Schweden, Schweiz, Suisse, Italien, Griechenland, Grèce, Luxembourg. Vous aurez remarqué qu'il y a un article défini devant deux de ces pays, la Belgique et la Suisse, Belge and Schweiz. Ces deux pays, comme quelques autres encore, sont traités comme des féminins. Vous ne direz donc pas « Ich bin a Belge » ou « Ich bin a Schweiz » mais « Ich bin an der Belge, ich bin an der Schweiz ». Avec le Grand-Duché, nous rencontrons un problème un peu à part, puisque le pays et sa capitale ont le même nom. D'après les règles que nous avons vues, on devrait donc dire « Ich wohne a Luxembourg zu Luxembourg. Ich fuhre a Luxembourg, ob Luxembourg. Ich komme aus Luxembourg, fu Luxembourg. » Or, les Luxembourgeois ont choisi une approche un peu différente. Ils traitent le pays comme une localité et appellent leur capitale simplement la ville, Stadt. Ce qui nous donne donc Ich wohne zu Luxembourg an der Stadt. Ich fuhre ob Luxembourg an Stadt. Ich komme fu Luxembourg aus der Stadt. Encore une fois, ich wohne zu Luxembourg an der Stadt. Ich fuhre ob Luxembourg an Stadt. Ich komme fu Luxembourg aus der Stadt. Continuons avec les nationalités. Vous êtes e Franzose ou eng Franzesin. E Belge ou eng Belge. Un Engländer ou eng Engländerin. Un Amerikaner ou eng Amerikanerin. Un Holländer ou eng Holländerin. E Spanier ou eng Spanierin. Un Deutschen ou eng Deutsch, etc. Vous remarquerez qu'en pratique, on dit aussi Franzos pour une Française plutôt que Franzesin. Ich bin Franzos. Passons maintenant aux langues. Nous parlons. Wir schwätzen. Luxembourgisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, etc. Résumons. Ich komme aus England, von London. Ich wohne in Frankreich, zu Paris. Ich fuhren an England ob London. Ich sind Engländer am eng Frau als Engländerin. Wir schwätzen Englisch, Lützebäuerisch a Französisch. Et comme c'est le Luxembourg qui nous préoccupe ici, faites bien la distinction entre Lützebäuerisch, le pays, Lützebäuerisch, la langue, Lützebäuer, le citoyen. Reprenons. Lützebäuerisch, le pays, Lützebäuerisch, la langue, Lützebäuer, le citoyen. Si vous êtes présenté à quelqu'un, une des premières choses qu'il va vous demander, c'est votre métier. Wat schafft ihr? Que travaillez-vous? Wat as ere beruf? Quel est votre métier ou votre profession? Et voici quelques exemples qui nous sembleront assez faciles parce que vous retrouverez pas mal de termes français, respectivement des termes qui sont restés très proches du français. Si secrétaire. Et si serveuse. Garçon. Infirmière. Chauffeur. Affecote. Docteur. Schulmeister. Instituteur. Lehrerin. Institutrice. Schreiner. Menuisier. Metzler. Boucher. Bäcker. Boulanger. Polizist. Et très important au Luxembourg, Beamten. Employé ou fonctionnaire. Encore une fois ces mots. Ich bin Sekretärin. Ich bin Serveuse. Garçon. Infirmière. Chauffeur. Affecote. Avocat. Docteur. Schulmeister. Instituteur. Lehrerin. Institutrice. Schreiner. Menuisier. Metzler. Boucher. Bäcker. Boulanger. Polizist. Et très important au Luxembourg. Beamten. Employé ou fonctionnaire. Voilà pour aujourd'hui. Und das wäret für heute. Bis die nächste Kehr.